Manu Food Train depuis plus de 35 ans vous propose une boutique en ligne depuis plus de 3 ans. Un magasin à Narbonne, 1 rue Calas, 11 100 Narbonne. Réalise pour vous des montages digitales, dépannage SAV et autres réparations et transformations ferroviaires. Distributeur toute marque et artisan. Frais de port, 5 euros uniques en Pulissimo, le moins cher du net et VPC, franco à 300 euros. Facilité de règlement et tarifs préférentiels à nos clients réguliers et conditions pour club. Paiement par carte bleue et chèque sur site et au magasin. Atelier d'initiation au modélisme ouvert à tous. Dépositaires, locaux revus et hors série en stock avec tarifs préférentiels. www.train-o-perle.com